20 ans, la croissance est finie. Ce qui est vrai pour l'homme serait-il valable pour le Front National? Deux décennies après sa création, le parti de Jean-Marie Le Pen semble se cogner à un plafond de 14 à 15% du corps électoral. Après une période embryonnaire particulièrement longue, c'est en 82 que le FN fait sa percée en 2000, je rentre tranche dans le vif, les portes du FN, les portes de la honte s'ouvrent, une flamme à haine se déchaîne. Hardcore, le sujet s'y prête, Le Pen mort, suicide dans un bunker, ma seule requête. FN, sa mère qu'il crève, l'heure est grave. Je grave ma rage en CD, et je rate de voir mes grès décéder. Jamais, jamais témoin, jamais je vais céder. Leur thèse se propage, ici et là, du sud au nord. Je suis là pour qu'ils dégagent, pas juste pour jouer les cadors. Ça sent le porc, le nazi, les thèses de parano. Ancien para bourgeois, violeur de petits et salauds. À coup de face de ouf, chouf, je dégaine. Le porc des acolytes au sol qu'ils saignent. Ils organisent, nous paralysent. Voudrait notre mort, c'est sans compter toute l'énergie qu'on canalise. J'suis black, de nos jours y'en a qui s'étonnent. Mais tout ce que j'suis, y'en a qui s'étonnent. Regrette que j'ai l'intelligence, ça les étonne. Ce que tu fais, j'suis au courant, en somme. C'est comme se battre contre le vent, se battre contre des éléments. Ta guerre est comme nulle, peut faire quand sa cause est perdue. En recul, lorsqu'on sait qu'on se bat pour une cause tordue. En recul, mon futur existe comme celui de cette ville. Ça nance cosmopolite, mon futur comme ce pays. Ça nance cosmopolite, on veut tous devenir élite. Ouais. En plus les filles rêvent d'avoir des bébés métis. J'bosse dans le milieu de la nuit. Mon second business, c'est pas clienté. Non, viens, tu fies avec moi, nigga, c'est mon business. Mec, si je suis riche, c'est pas ma différence. Voir un coton de triche, pour eux, quelle sera la différence? Ouais. Tu dis, l'argent n'a pas de couleur, mais tu as une bonne conscience. Et tu veux faire distinction. Je crois que tu as peur d'une extinction. Hystérie à l'intégration. Mes frères disent, c'est la dette coloniale. C'est crime dans les rues, annonce l'émancipation. Blood pressure, l'Europe de la haine, glace de sang, mais tu viens de cette haine, garçon. Tu m'apprécies pas, ouais. De toute façon c'est quoi ton problème? Tu dis t'es raciste, mais mes sœurs tu préfères. Ils me disent que j'ai trop de poids. Ils disent que si ce n'est pas chez moi, crache par terre, mais tu rentres chez moi. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Plus c'est chien pavé et moins le jugement est grave. Au-dessus des lois, si eux peuvent dire ce qu'ils veulent, pourquoi pas moi? Je vocifère, les traites de pute pour Lucifer. Mes mots choquent pas tard, tu votes pour eux, pas faut d'y faire. Électorat qui grimpe, on voit leur gueule sur tous les murs. Un score qui monte et demain, troisième rage en miniature. T'inquiète, je vais lutter, si j'ai pas de pouvoir, t'inquiète, je vais buter. Ça pue le nazi, j'ai choisi. Pas question de porter rayures ni de bouffer moisi. Ce texte ne changera rien, il écoute juste ma rage et fait bouger la tête des frères. Fier, et quand bien même jeune d'Arc, j'pars en guerre. Ils brassent l'argent, ma couille à tour de bras. S'affiche clean souriant, mais sont experts en coup bas. Ils s'établissent sur internet et rêvent de dominer. Remue la merde, fouille un peu, pénètre en terrain miné. De connexion en connexion, la croix gammée en ascension. Dans le monde les crânes rasés, c'est une affection, attention. Le FN bluffe les gens, mais c'est chacun dans son quartier, chacun dans son pays, rien d'intelligent. Mes frères se font insulter, vont certainement pas se plier. Non, faut se frayer un chemin parmi les fachos avant qu'on soit tous fichus, écartés du tableau. Sans même savoir ce qui gêne vraiment dans le système. Moi ou Le Pen, c'est contre le gouvernement que ça joue. Un combat pour l'invisible crew chaque jour qui passe, chaque journée où faut faire face et pas lâcher. Ça ou se faire clasher, se laisser marcher sur les pieds sous prétexte qu'il faut nettoyer la France. C'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils visent et ce qu'ils disent. Leur mépris c'est sans limite, ils nous divisent. Y'a plus de temps à perdre, si dans la rue c'est la merde. C'est pas mes frères qui la foutent, y'en a qui ont bien plus d'argent à perdre. Une révolution à craindre, une foule à contenir. Une peur qu'il leur faut nourrir pour garder le pouvoir. Le soir quand la ville dort, contrôler tout ce qui s'y passe. Les rues désertes, moi et les skinheads en face. On renonce pas, on fonce, on se fond dans la masse jusqu'au bout. C'est pour eux dans ce pays, y'a pas de place. Si je suis chez moi où je suis, je dis mec, chez moi où je suis, je suis dans le délai. Chez moi où je suis, chez moi où je suis, chez moi où je suis. Si je suis chez moi où je suis, je dis mec, chez moi où je suis, je suis dans le délai. Chez moi où je suis, chez moi où je suis, chez moi où je suis, mec. Tenez une sacrée fleur. Oh, quelques bons restes.